Leçon 2. Graphie de O et de O. Activité 2A. 1. Une personne. 2. L'école. 3. L'eau. 4. Le confort. 5. La météo. 6. Chaud. 7. Beau. 8. Proche. 9. La côte. 10. L'euro. 11. L'hôtel. 12. Le téléphone. 13. Les animaux. 14. Bientôt.